Chapitre 8e, la fête champêtre de Methorn, prologue. Le jour de la fête à Iulathorn était arrivé, et tous les invités étaient là. L'évêque était rentré à Barchester la veille au soir par le train qui amenait d'Oxford le docteur Gwyn et M. Arabin. L'archidiacre attendait ses amis avec la voiture. Aussi, le quai de la station présentait-il un assez bel assortiment de dignitaires ecclésiastiques. Les Stanhope avaient fini par s'arrêter à l'arrangement décrit précédemment, et Eleanor monta dans la voiture du docteur avec l'appréhension d'une catastrophe prochaine, tandis que M. Slope y entrait en triomphateur. Il avait reçu le matin même un mot très poli, mais peu affirmatif, de Sir Nicholas Fitzwiggin. M. Slope savait ou croyait savoir que les fonctionnaires du gouvernement étaient tenus à une grande réserve. Sans rien promettre, Sir Nicholas faisait espérer beaucoup. Il exprimait sa conviction que M. Slope ferait un excellent doyen et lui souhaitait toutes sortes de succès. Il ajoutait que, ne faisant point partie du cabinet, il n'était jamais consulté sur de semblables matières et que même s'il donnait une opinion, il n'en serait tenu aucun compte. Malgré tout, M. Slope continua de croire un excès de discrétion officielle. Une autre lettre qui lui fut remise au moment où il allait partir pour Iulathorn fut le couronnement de son triomphe anticipé. Une autre source de joie pour M. Slope était la pensée qu'il aiderait Mrs. Bold à descendre de voiture, devant la foule qui se presserait à la grille de Iulathorn. La perspective de cette cérémonie lui causait autant de satisfaction qu'elle inspirait d'ennui et de crainte à Mrs. Bold. Il était résolu à mettre sa personne et sa fortune au pied de la veuve, et il avait choisi ce matin même pour mettre à exécution ce beau projet. La signora, depuis peu, l'avait traité fort légèrement. Elle avait sans doute accepté ses visites, écouté sans colère ses protestations d'amour, mais elle l'avait torturé, humilié, raillé, ridiculisé, tout en lui permettant de l'appeler la plus belle des femmes, de lui baiser la main et de se proclamer avec force serment son adorateur et son esclave. Miss Thorne était dans un grand émoi, mais aussi dans toute sa gloire, le matin du jour de la fête. M. Thorne, bien qu'il n'eût pas eu l'initiative de la chose, avait une lourde besogne sur les bras. Mais le personnage à qui incombait la plus lourde tâche et la plus grande responsabilité, le prévôt de la fête, était M. Plomacy, le maître d'hôtel. M. Plomacy, du vivant du père de M. Thorne, au temps du directoire, avait porté à Paris dans les talons de ses bottes des lettres à des partisans de la famille royale, et il avait eu la chance de revenir sain et sauf. Il était jeune alors, vieux aujourd'hui. Mais l'importance diplomatique que lui avait donné ce succès, il la conservait encore. M. Plomacy était depuis plus de 50 ans maître d'hôtel d'Iulathorn, et il menait doucement la vie dans l'exercice de ses fonctions. Comment exiger un travail de domestique d'un homme qui avait porté dans ses talons des papiers dont la découverte eût fait tomber sa tête? En conséquence, M. Plomacy n'avait jamais fait grand-chose. Depuis quelques années, il ne faisait plus rien du tout. Il aimait les arbres. C'était lui qui marquait ceux qu'il fallait abattre. Il aimait le jardinage. On ne pouvait planter un arbrisseau ni dessiner une plate-bande sans son autorisation expresse. En ces matières, il n'était pas toujours d'accord avec sa maîtresse, et il arrivait rarement qu'il lui permît de faire prévaloir ses vues. Mais, dans les occasions comme celle-ci, M. Plomacy était l'activité même. Il avait à cœur l'honneur de la famille. Il comprenait les devoirs de l'hospitalité. Aussi, quand il s'agissait d'un gala, prenait-il en main la direction de toute chose, imposant sa suprématie à son maître et à sa maîtresse. Il faut rendre justice à M. Plomacy. Vieux comme il l'était, il entendait son affaire et savait être, par son activité, au niveau de sa tâche. Voici quel devait être le programme du jour. Les gens de qualité devaient avoir un déjeuner, les gens qui n'étaient point de qualité, un dîner. Deux tentes avaient été dressées pour les deux banquets, l'une réservée aux gens de qualité, dans le jardin, sur la pelouse, en deçà d'un fossé profond, la seconde pour les autres, dans un parc au-delà du fossé. Toutes deux étaient de vastes dimensions, la seconde surtout. Mais M. Plomacy déclara qu'elle ne suffirait pas. Pour remédier à cela, on prépara un banquet supplémentaire dans la salle à manger et l'on dressa en plein air des tables pour les ouvriers qui dépendaient de la propriété. Mais une grave difficulté se présentait. Qui déjeunerait sur la pelouse? Qui dînerait dans le parc? Comment distribuer les invités entre deux tables d'une importance si inégale? Un étourdi aura bien vite répondu « Oh, l'évêque et les gens de sa sorte à la table du déjeuner. Le fermier Greenacre et les gens de sa sorte à la table du dîner. Sans doute, mon ami. Mais comment définir les gens de sa sorte? C'est dans des définitions de ce genre que consiste toute la science sociale. Il est sans doute bien facile de placer l'évêque dans un fauteuil, sur la pelouse, et d'envoyer le fermier Greenacre au bout de la longue table du parc. Mais où mettrez-vous Mrs. Lookaloft, dont le mari, quoique fermier sur la propriété, chasse en costume rouge, dont les filles sont dans la plus fashionable institution de Barchester, qui appelle sa ferme Rosebank et a un piano dans son salon? Les Mrs. Lookaloft, comme elle se qualifie elle-même, ne seraient pas satisfaites d'être placées au milieu de rustres. Mrs. Lookaloft n'accepterait pas d'aller chiffonner ses beaux habits sur un banc et de causer familièrement de crème et de canton avec la bonne Mrs. Greenacre. Et pourtant, Mrs. Lookaloft ne va pas de pair avec les Thorne et les Grantley. Et si Mrs. Lookaloft est admise dans le sanctuaire de la vie fashionable, pourquoi pas aussi les femmes et les filles d'autres familles? Mrs. Greenacre se trouve satisfaite à la table du parc. Elle ne le serait plus s'il voyait Mrs. Lookaloft sur la pelouse. Certes, c'était là un grand tracas d'esprit pour la pauvre Miss Thorne. Et comment répartir ses hôtes entre la tente de la pelouse et la salle à manger? Elle allait avoir une comtesse, un honorable John et un honorable George, tout un essaim de ladies Amelia, Rosina, Margarita, etc. Bon nombre de baronnets avec leurs baronnettes, et nous le savons tous, un évêque. Si elle les plaçait sur la pelouse, personne ne voudra aller dans la salle à manger. Si elle les plaçait dans la salle à manger, personne ne voudra aller sous la tente. Elle pensait à donner la salle à manger aux personnes âgées et la pelouse à la jeunesse. Dans quel guépier elle allait se fourrer. « Dieu vous bénisse, madame, » lui dit M. Plomassy, qui semblait bien connaître les femmes. « Pas une dame ne voudra être parmi les personnes âgées, pas une, sauf vous et la vieille Mrs. Clinton Tram. » Personnellement, Miss Thorne considéra cette exception faite en sa faveur comme un éloge donné à son bon sens. Mais elle n'avait nullement le désir de jouir, pendant le déjeuner, de la compagnie de Mrs. Clinton Tram. Elle abandonna donc l'idée d'établir entre ses hôtes une distinction arbitraire, résolue, s'il était possible, d'établir l'évêque sur la pelouse, la comtesse dans la salle à manger et d'éparpiller les baronnets pour diviser ainsi les attractions. Que faire des Lookaloft? M. Plomassy lui-même ne sut que décider. Eh bien, il courrait la chance. Il avait été spécifié dans l'invitation que tous les fermiers étaient invités. S'il déplaisait aux Lookaloft de se mêler à eux, ils auraient sans doute le bon sens de se tenir à l'écart. M. Plomassy exprima ensuite l'appréhension que les jeunes honorables ne vinssent dans une sorte de costume amphibie, mi-partie toilette de jour, mi-partie toilette de soirée, cravate de satin, jaquette, gants clairs, bottes vernies. Aussi, pour ménager leurs vêtements, ils ne courraient pas la quintaine et ne prendraient part à aucun des jeux athlétiques que Miss Thorne avait mis tous ses soins à préparer. Et si les honorables John et George ne courraient pas la quintaine, Miss Thorne pouvait être certaine que personne ne la courrait. « Mais, dit-elle avec douleur, il était spécifié qu'il y aurait des jeux. »« Il y en aura, évidemment, dit M. Plomassy. Les jeunes gens s'amuseront avec les jeunes demoiselles dans les allées de laurier. Voilà leur jeu d'aujourd'hui. Si vous mettez les jeunes gens à la quintaine, vous verrez la moue que feront les dames. Mais elles pourraient regarder comme le faisait leur grand-mère. » Et il me semble qu'aujourd'hui, il ne suffit pas aux dames de regarder ce que font les hommes. Elles veulent le faire. Si vous mettez sur les chevaux des selles de côté et que vous laissiez les femmes courir la quintaine, vous verrez quel succès cela aura. Mais Thorne ne répondit pas. Elle se sentait sur un mauvais terrain pour défendre son sexe, dans la génération présente, contre les sarcasmes de M. Plomassy. N'avait-elle pas dit une fois, dans un moment d'indignation, qu'aujourd'hui les hommes étaient tous des femmes et les femmes toutes des hommes? Et son frère Wilfrid, l'héritier des honneurs de l'antique maison d'Ula Thorne, consentirait-elle à courir la quintaine? C'était bien douteux. Le matin du grand jour arriva. Tous les domestiques furent sur pied de bonne heure. Les cuisinières étaient à l'œuvre longtemps avant le point du jour. Les hommes dressaient les tables et clouaient de la serge rouge sur les bancs. Avec quelle appréhension, mais Thorne regarda le temps, aussitôt que les ombres de la nuit se furent dissipées. De ce côté au moins, elle pouvait être tranquille. le baromètre montait depuis 3 jours, et il faisait cette brume grise et froide qui, en automne, présage généralement un jour clair et sec. À 7 heures, elle était déjà descendue tout habillée. Mais Thorne ne connaissait pas le luxe moderne des déshabillés. Elle ne se fut pas plus montrée devant son frère sans son corset que sans ses bas, et les corsets de Miss Thorne n'étaient pas des joujoux. Pourtant, elle n'avait rien à faire en bas. Elle alla et vint sur la pelouse, puis rentra dans la cuisine. Elle mit ensuite ses socques à haut talon et alla et vint dans le parc. Elle se rendit après l'endroit où la quintaine était dressée. Tout était en place, le mât, la traverse, le tourniquet, la cible et le sac de farine. Elle monta sur un escabeau et s'assura que le tourniquet fonctionnait bien. Elle eut presque la pensée de prendre au mot le vieux Plomassie, de faire mettre sur un cheval une selle de femme et de courir elle-même la quintaine. Quel était, pensait-elle, le jeune homme capable de préférer à un si noble jeu une promenade dans les allées de Laurier avec une pensionnaire insignifiante? Si elle ne leur plaît pas, dit-elle, tant pis pour eux. Et elle rentra dans la maison. Un peu après 8 heures, son frère descendit et fit un déjeuner sommaire dans son cabinet de travail, sans petit pain, sans rôti et sans œufs. Tous les œufs de la paroisse avaient été employés pour faire des flans, des gâteaux ou pour figurer, durcis, dans les salades de homard. Il dut se contenter de pain sec et d'une cuisse de poulet. « J'étais voir la quintaine, Wilfrid, dit-elle. Il me semble qu'elle est bien. »« Oh, ah oui, dit-il. Je l'ai vue hier. Elle m'a semblé bien aussi. » Monsieur Thorne ne partageait pas le goût de sa sœur pour tous ses exercices et ne se sentait aucune affection pour le jeu de quintaine. « Vous pourriez l'essayer après avoir déjeuné, dit-elle. On scellerait Marc-Antoine. Vous feriez enlever le sac de farine si vous croyez que Marc-Antoine n'aura ni la vitesse, ni la docilité nécessaire, ajouta-t-elle, voyant sur la figure de son frère qu'il ne goûtait pas beaucoup sa proposition. Marc-Antoine était un bon vieux cheval de chasse, qui rendait à M. Thorne d'excellents services. Mais il n'avait jamais connu la quintaine, et son maître n'avait nulle envie de le soumettre à cette épreuve, avec ou sans le sac de farine. Il toussa, annonna, et déclara finalement qu'il craignait que Marc-Antoine ne se dérobât. « Alors prenez le poney, » dit l'infatigable Miss Thorne. « Il est chez le vétérinaire. »« Non, il est à l'écurie. J'ai vu ce matin Pierre le faire marcher. »« Ma chère Monique, il est si difficile que j'ai toutes les peines du monde à le tenir. Il se tuerait, et moi en même temps, si j'essayais de le mettre en présence de ce joujou-là. »« Joujou ? Cette quintaine qu'elle avait fait établir avec un soin si anxieux ?» Le jeu qu'elle avait préparé pour l'amusement de la vigoureuse jeunesse du pays, un noble exercice qu'avait tant estimé et aimé leur père, ce lui fut un coup de l'entendre appeler ainsi par son frère. Le rouge monta à ses joues, le feu brilla dans ses yeux, mais elle ne dit rien, et résolut de ne plus prononcer un mot devant lui ce jour-là. En voyant une larme dans les yeux de Miss Thorne, M. Thorne eut regret d'avoir employé cette expression méprisante. Il s'était toujours fait d'ailleurs un devoir de respecter toutes les fantaisies de sa sœur, et chaque fois qu'il y manquait, il se le reprochait à lui-même et en souffrait tout le premier. « Ma chère Monique, je vous demande pardon. Je ne veux pas déprécier le jeu. En l'appelant comme je l'ai fait, j'ai voulu dire que c'était un joujou pour un homme de mon âge. Vous oubliez toujours, vous le savez, que je ne suis plus un jeune homme. Ce dont je suis sûr, c'est que vous n'êtes pas un vieillard, Wilfrid, dit-elle. » Heureuse de cette réparation et souriant à son frère au milieu de ses larmes. « Si j'avais 25 ou 30 ans, continua-t-il, je n'aurais pas de plus grand plaisir que de courir la quintaine toute la journée. « Mais vous n'êtes pas trop vieux pour chasser à court, dit-elle. Si vous pouvez sauter une haie ou un fossé, vous pouvez bien aussi courir la quintaine. Mais quand je saute des haies ou des fossés, ma chère, et ce n'est pas souvent, il n'y a pas un sac de farine qui menace de me tomber sur le dos. « Songez un peu quelle figure je ferais, offrant la main à la comtesse pour la conduire à table, avec la tête toute couverte de farine. » Miss Thorne laissa tomber la conversation. L'allusion à la comtesse lui déplaisait. Elle n'admettait pas que les attentions dues à Lady de Courcy puissent contrarier en rien les divertissements qu'elle avait préparés. Mais elle vit qu'il était inutile de poursuivre ce sujet. Renonçant à persuader son frère, elle résolut de s'en remettre à son chevalier et son favori, qui était, disait-elle, le modèle des jeunes gens de sa génération, au fils du fermier Greenacre. Ce que faisait Harry Greenacre, toute la jeunesse du Lathorne, sauf les jeunes Lookaloft, qui affectaient de se tenir à l'écart, le faisait à sa suite. Mais Thorne comptait sur lui pour assurer le succès du jeu de quintaine. Vers 9 heures, les invités de qualité inférieure commencèrent à se réunir dans le parc, sous la surveillance de M. Plomacy, assisté, pour assurer le maintien du bon ordre, par le premier jardinier et le premier garçon d'écurie. Bon nombre de jeunes gens du voisinage, pensant qu'ils ne sauraient trop prendre des plaisirs espérés, étaient arrivés très tôt, et la route entre l'église et la maison était déjà pleine de monde avant que les grilles fussent ouvertes. Alors s'éleva une autre grosse difficulté, que M. Plomacy avait d'ailleurs prévue, et contre laquelle il avait pris à l'avance ses mesures. Quelques-uns de ceux qui désiraient prendre leur part de l'hospitalité de Miss Thorne n'avaient pas reçu d'invitation. Loin de se montrer pointilleux et d'éprouver quelque dépit de ce qu'ils appelaient un oubli, ils croyaient faire preuve de bon caractère en se présentant à la porte dans leurs plus beaux atours. M. Plomacy savait bien auquel de ceux-là il devait permettre l'entrée. « N'y regardez pas de trop près, » lui avait dit sa maîtresse, « surtout pour les enfants. S'ils sont du voisinage, laissez-les entrer. » Agissant d'après ses instructions, M. Plomacy ouvrit la porte à quelques marmots avides de voir et à quelques fillettes en toilette des dimanches, accompagnées de leurs amoureux, quoique les uns et les autres fussent étrangers à la propriété. Mais pour les habitants de la ville, il fut impitoyable. C'étaient ses fermiers, ses ouvriers, et non les artisans de Barchester que Miss Thorne avait invités. Néanmoins, bien avant midi, entra qui voulut, les surveillants ayant dû quitter la porte pour s'occuper des banquets. Il fallut bien laisser prendre place à tous ceux qui s'y présentèrent sans invitation. Il lui fallut, pour se débarrasser d'eux, avoir recours à des moyens violents. La gaieté de la fête en eût souffert, et le repas valait-il la peine qu'on les employât ?